qui écoutez France Culture, n'hésitez pas, aidez-nous à inventer son avenir. C'est très simple, vous pourrez exprimer toutes vos idées sur le futur de votre radio. Un nouveau programme, de nouveaux services, surprenez-nous. Pour participer à cette consultation ouverte à tous, rendez-vous sur maradiodemain.fr. Deuxième temps d'une courte série de la Fabrique de l'Histoire consacrée au jugement et aux peines. Aujourd'hui, trois cas de femmes nobles décapitées dans l'Italie de la Renaissance. Après avoir hier évoqué les peines au Moyen-Âge avec Claude Gauvard et avec Elisabeth Lucet, et avant demain de recevoir Philippe Sanz autour de son très beau Retour à Lemberg sorti l'an dernier, nous allons ce matin nous arrêter sur le cas analysé par le menu par Jean-Claude Merviger et Elisabeth Crouzet-Pavant de trois femmes nobles de l'Italie de la Renaissance décapitées pour adultère. Qui étaient-elles? Pourquoi cette peine de mort là? Pourquoi cette décapitation? Ce sont les questions que nous poserons à Jean-Claude Merviger en compagnie de Daniel Königsberg, qui nous lira des textes choisis par Jean-Claude Merviger, et également en compagnie, depuis les studios de la radio suisse à Genève, du spécialiste du droit de punir à l'époque moderne, qui est le professeur d'histoire à l'université de Genève, rédacteur de la revue Beccaria, Michel Porret. Texte de Christine de Pisan de la fin du XIVe siècle, Christine de Pisan, qui a été mise en musique ici par l'ensemble donc qui s'appelle l'ensemble Vocam, dirigé par Michael Pop sur un air contemporain de ce même XIVe siècle qui sera au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour à vous Jean-Claude Merviger. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. Dans ce texte, Christine de Pisan dit à propos de son mari, tout lui plaît, sans moi contredire, il veut très tout, quand que je veuille. Donc il est d'une certaine façon, ce texte, à l'encontre de ce que vous racontez dans votre livre avec Elisabeth Crouzet-Pavant, qui s'intitule « Décapité, trois femmes dans l'Italie de la Renaissance », qui est sorti avant l'été aux éditions Albin Michel. Nous sommes également avec Michel Porret. Bonjour Michel Porret. Bonjour, merci de l'invitation. Je vous en prie, nous sommes toujours très heureux de vous recevoir à la Fabrique de l'Histoire, Michel Porret. Alors, Jean-Claude Merviger, je dis ce texte qui semble louer un mari qui comprend sa femme, un texte de Christine de Pisan, va à l'encontre de ce que vous écrivez à propos de ces trois femmes décapitées à la fin du XIVe et au tout début du XVe siècle en Italie. Tout à fait à l'encontre. Mais il faut bien voir que le cas des trois femmes dont nous parlons dans ce livre est tout à fait particulier. Ce sont des femmes qui se situent bien au-dessus du niveau de la noblesse de l'époque. Ce sont des femmes de princes, ce sont des princesses, dont les mariages, naturellement, ont été arrangés, alors qu'elles étaient parfois très jeunes, pas toujours, mais parfois très jeunes. Une d'entre elles avait 14 ans, c'est cela. 14 ans dans le cas de Parisina, c'est ça. Oui, et plus jeune encore dans le cas de Agnès, dont le mariage n'a été consommé et conclu réellement que de nombreuses années après la signature du contrat de mariage. Donc ce sont des mariages arrangés et qui répondaient à des considérations éminemment politiques. Alors évidemment, mariage arrangé dans cette Italie des princes, on peut le comprendre parce qu'il s'agit à la fois de maintenir son pouvoir pour l'héritier d'une dynastie. Vous expliquez bien avec Elisabeth Crouzet-Pavant que cette Italie communale au XIIe et au XIIIe siècle devient progressivement, rentre dans la main, pourrait-on dire, de dynasties princières qui prennent la main sur chacune des grandes villes d'Italie du Nord. Et c'est dans ce contexte-là que ces trois femmes vont donc se marier avec trois princes différents. Voilà, on se trouve dans une période qui n'est plus celle du Moyen-Âge communal en Italie, quand l'Italie était divisée en une cinquantaine de petits états commandés, dirigés, gouvernés par un système de conseils et d'assemblées, de magistrats. Cette fois-ci, nous sommes dans l'Italie des seigneuries citadines, c'est-à-dire que dans la plupart des grandes villes, est né entre la fin du XIIIe siècle et la première moitié du XIVe siècle un nouveau système politique, celui de la seigneurie citadine, très souvent d'ailleurs détenu par une famille locale, mais qui cherche précisément à se hausser bien au-dessus du niveau de la noblesse citadine pour montrer sa distinction et pour légitimer un pouvoir qui, encore à l'époque, apparaît comme nouveau et perçu comme exceptionnel, donc relativement fragile. Et donc il s'agit pour eux, généralement, d'agrandir leur influence vis-à-vis des cités voisines, et vous nous décrivez une Italie que l'on pourrait d'ailleurs confondre parfois avec une Italie postérieure. C'est une Italie des bagarres, des bagarres entre familles, des oppositions, des conquêtes, et puis des pertes de territoire, et au milieu de ça, évidemment, des stratégies matrimoniales, Jean-Claude Mervigueur. C'est cela. Nous sommes en gros entre la fin du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle. On assiste à une simplification de la carte géopolitique de l'Italie. Les seigneuries les plus importantes essaient de s'étendre au détriment des plus petites et de les absorber. Et les relations matrimoniales, les alliances matrimoniales, entre précisément dans cette stratégie de consolidation ou de défense des seigneuries en place. D'où le cas de ces trois femmes. Vous pouvez d'ailleurs nous en dire le nom, puisqu'on ne les a pas encore citées. Agnès Visconti pour l'une, Béatrice di Tenda, qui ne s'appelle pas en fait Béatrice di Tenda pour la seconde, c'est cela? C'est ça. Et puis la troisième, Parisina Malatesta, mais qui ne s'appelle pas Parisina, c'est un surnom, elle s'appelle Laura, de son nom de baptême en l'occurrence. Ces trois femmes, donc, qui entre la fin du XIVe et le premier quart du XVe siècle, vont être décapitées sur ordre de leurs maris respectifs. Alors, ces trois femmes se trouvent, chacune d'entre elles, dans une situation qui lui est propre, naturellement. Mais cette situation propre à chacune d'elles ne suffit pas, selon nous, pour expliquer leur fin tragique. On pourrait les prendre pour des cas exceptionnels, et en fait, vous avez choisi avec Elisabeth Crouzet-Pavant de les rassembler en trouvant des points d'accroche, des points communs, pourrait-on dire, à ces trois destins tragiques. C'est exact. Les trois cas ont été étudiés au XIXe siècle dans le climat d'une Italie, disons, romantique, dans le cadre du romantisme de l'époque. Elles ont donné lieu, ces trois femmes, à des poèmes, à des récits, à des romans et également à des livrets d'opéra. Mais sans jamais que personne n'ait songé à rapprocher ces trois cas pour voir s'il pouvait y avoir des similitudes, des analogies dans les circonstances qui les ont conduits à cette mort par décapitation. Alors nous sommes avec Daniel Königsberg qui va nous lire les textes que vous avez choisis vous-même, Jean-Claude Mervigueur. Présentez-nous Matteo Bandello, l'auteur du premier texte qui va évoquer le cas d'Agnès Visconti, qui chronologiquement est la première des trois femmes princières décapitées dans cette Italie de la Renaissance dont vous parlez. Alors c'est un auteur de Milan, mais qui écrit à la fin du XVe siècle, donc bien après les faits dont il est question dans ses poèmes, qui a eu l'occasion de résider à Ferrare, où je pense qu'il a pris, certainement même, il a pris connaissance du destin tragique de Parisina. La marquise, quand elle se vit emprisonnée et sut que le comte Hugo était aussi au cachot, supplia instamment qu'on la laissât parler à son mari. Mais elle ne put en aucune façon obtenir cette faveur. Elle lui fit donc savoir qu'elle était la seule coupable. Que c'était elle qui avait circonvenu le comte Hugo. Il était donc juste qu'elle seule fût châtiée de cette infamie. Apprenant ensuite qu'on devait leur couper la tête à tous deux, elle fut saisie d'une telle fureur qu'il fut impossible de l'apaiser. Et elle témoignait très clairement que sa propre mort lui importait peu ou prou, mais que celle du comte Hugo lui était intolérable. Jour et nuit, elle ne faisait qu'appeler son seigneur Hugo, et durant les 3 jours qu'elle demeura en prison, elle invoqua continuellement le nom du comte. Le marquis avait également envoyé 2 moines pour réconforter la marquise et la disposer à souffrir avec résignation le supplice de la mort, mais ils se dépensèrent en pure perte. De son côté, le jeune homme, assisté de 2 moines, persévéra 3 jours d'affilée dans sa contrition, se préparant toujours mieux à la mort prochaine par de pieux entretiens. Après le 3e jour, le matin de bonne heure, un des moines dit la messe à son attention et finalement le jeune homme reçut dévotement le corps sacré de notre Sauveur, demandant dans un flot de larmes pardon à Dieu et aux hommes de ses péchés. Le soir venu, vers la tombée de la nuit, le bourreau, sur l'ordre de son père, lui trancha la tête dans cette même tour. À la même heure, dans l'autre tour, la jeune femme eut aussi la tête coupée, mais sans témoigner aucun repentir du forfait qu'elle avait commis. Jamais elle n'accepta de se confesser. Bien au contraire, elle ne faisait que supplier qu'on lui laissât voir encore une fois son seigneur Hugo, et c'est ainsi que le nom tant aimé et adoré du comte Hugo aux lèvres, la malheureuse et infortunée marquise fut décapitée le lendemain. Le marquis fit placer leurs 2 corps, bien lavés et revêtus de leurs habits princiers, au milieu de la cour du palais, où tout un chacun eut le loisir de les voir, jusqu'à ce que, le soir venu, il les fit inhumer en grande pompe funèbre à San Francesco, dans une même sépulture. Voilà donc pour ce texte de Matteo Mandello qui parle non pas de Agnès mais de Parisina, donc Laura qui est Laura Malatesta exécutée avec ce comte Hugo qui n'est autre que le fils illégitime de celui auquel elle s'est mariée, elle a été mariée, Niccolo III d'Este, le seigneur de Ferrare, Jean-Claude Mervigueur. Alors ce texte de Mandello est très beau, mais il est quasiment totalement inventé. Mandello donc a vécu à Ferrare, il a recueilli à Ferrare des traditions orales qui, sans aucun doute, contiennent une part de vérité. Mais je pense qu'une bonne partie de ce texte est totalement inventée. Ce qui est vrai en revanche, et que Mandello a bien saisi, c'est ce que l'on peut apercevoir de la personnalité de Parisina. Nous n'avons conservé aucun document d'archives incontestable concernant les conditions de la mort des 2 coupables d'adultère. Mais en revanche, nous avons une énorme documentation concernant la personnalité de cette Parisina. Alors ça, c'est assez formidable parce que vous avez en particulier des livres de contes qui vous permettent donc à vous et à Elisabeth Crouzet-Pavant de nous expliquer, disons, le train de vie, pourrait-on dire, la culture matérielle, dit-on en termes d'histoire, de cette Parisina de Ferrare, qui est une culture matérielle d'une très grande noblesse, avec des produits de très grande qualité qui l'entourent, mais aussi qui vous permet de comprendre comment elle dirigeait non seulement la maisonnée, mais un peu plus que cela. C'était plus qu'une maîtresse de maison, en l'occurrence cette Parisina, Jean-Claude Mervigueur. Alors de nos 3 femmes, Parisina est sans aucun doute celle que nous connaissons le mieux, grâce à une très grosse, très riche documentation d'archives. Et il faut préciser que pour Agnès, donc Visconti, on a le texte du procès, ça c'est assez formidable, alors que pour les 2 autres, on ne l'a pas. Exactement. Mais là, en l'occurrence, pour Parisina, vous n'avez pas les modes de condamnation de cette femme, mais vous avez en revanche tout ce qui concerne son train de vie et la façon dont elle dirigeait d'une main assez ferme, visiblement, l'ensemble de la cour autour de son mari. Il y a environ 35 ans qui séparent la mort d'Agnès de celle de Parisina. Sans aucun doute, durant ces 35 ans, les choses ont beaucoup changé concernant les rôles qui étaient attribués ou que s'auto-attribuait une grande princesse, femme d'un prince, comme que ce soit Francesco Gonzague à Mantoue ou Niccolo III d'Este à Ferrare. Mais déjà, on entrevoit chez Agnès une partie des rôles qui vont se développer énormément à l'époque de Parisina. Alors, vous parlez des rôles de Parisina en tant que maîtresse de maison. Vous l'appelez oui. Intendante en chef même. C'est encore plus que cela. Elle est responsable non seulement du train de vie de la cour, mais pensons-nous, et peut-être n'avons peut-être pas assez insisté sur cet aspect dans notre livre, c'est certainement aussi celle qui a inventé la cour princière de Ferrare. Il existait déjà une cour, mais qui était une petite cour de dimension domestique, si l'on veut. À notre époque, donc dans les deux premières décennies du XVe siècle, cette cour de Ferrare devient vraiment une cour princière. Alors, elle est décapitée et nous sommes avec Michel Poret qui, je le rappelle à nos auditeurs qui seraient arrivés en cours d'émission. Michel Poret, vous êtes professeur à l'Université de Genève, vous êtes spécialiste des peines, du régime des peines, pourrait-on dire, à l'époque moderne. Nous sommes dans l'Italie de la Renaissance, à la fin de ce qu'on appelle traditionnellement le Moyen-Âge, mais vous avez beaucoup travaillé justement sur ces peines qui tombent sur les femmes de l'époque moderne. Cette décapitation qui est le point commun qui a permis à Jean-Claude Mervigueur et Elisabeth Crouzet-Pavant d'entamer leur travail en commun autour de ces trois femmes décapitées dans l'Italie de la Renaissance. C'est une peine qu'on inflige à qui, Michel Poret, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne ? Le dossier a l'air évidemment extrêmement riche et je ne connais pas les circonstances de chacune de ces condamnations. Mais ce que j'ai entendu depuis quelques minutes, donc la clé, c'est l'infamie. En fait, le fait de décapiter quelqu'un à l'époque moderne, on est dans une civilisation patibulaire. Tout l'ancien régime est une civilisation patibulaire qui est basée sur quelque chose qui s'est construit à partir Qu'est-ce qu'on appelle une civilisation patibulaire ? Une civilisation patibulaire, c'est-à-dire que l'ensemble des actes, des rituels, des faits de justice sont liés à l'échafaud, sont liés à la mise en scène. Alors ici, cette mise en scène, évidemment, elle est limitée, j'y reviendrai, parce que la famille est dans un réseau d'aristocratie, mais qui est basé très profondément sur la ritualisation publique de ce que le dernier ressort permet à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire d'infliger la mort pénale, à un individu qui a commis une infraction. On sait que cette mort pénale, à l'époque moderne, elle est inscrite dans ce qu'on pourrait appeler une équivalence symbolique. Il y a un lien entre l'atrocité du crime et l'atrocité de la peine. Et toute l'époque moderne, que l'on soit dans une principauté italienne, que l'on soit dans une monarchie absolutiste, que l'on soit dans une république type Genève, toute l'époque moderne, entre la fin du Moyen-Âge et la Révolution, fonctionne dans cette équivalence symbolique. En gros, cette équivalence symbolique, elle va du bûcher, de l'hérétique et de la sorcière jusqu'à la corde du roturier en passant par la roue et la décollation. Et l'ancien régime pénal européen est une grande grammaire culturelle de cette civilisation patibulaire et de cette équivalence symbolique. Alors en ce qui concerne la décollation, je lisais pour repréparer un peu cette émission le très beau livre qu'avait écrit Paul-Henri Stahl, l'histoire de la décapitation, qui est un grand livre sur l'anthropologie de la décapitation à partir des modèles militaires, notamment orientaux. La décapitation, la décollation dans le régime pénal moderne vise en fait des individus qui échappent très profondément, notamment dans les sociétés nobiliaires, qui échappe à l'infamie. L'idée de la décapitation, c'est que la personne qui va être mise à mort en raison de ses origines ou en raison de son rang juridique, eh bien, doit échapper, c'est ça la clé, me semble-t-il, de cette affaire, doit échapper au corps à corps d'infamie avec le bourreau. Ah oui. Et en fait, la décapitation permet ce que d'ailleurs, et ce serait une très longue histoire à refaire, ce que d'ailleurs la Révolution française va faire à partir de 92 avec la mort mécanique de la guillotine, permet de mettre une distance absolue entre la présence infamante, la main infamante de l'exécuteur de la justice, du bourreau, et ce qu'on appelait le patient, c'est-à-dire le supplicié. Donc ces trois femmes de la Renaissance, et le dossier a l'air magnifique, et je vais me procurer le livre très rapidement en sortant de l'émission, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Je pense que, d'ailleurs, par rapport à la source que nous avons lue, on est vraiment dans cette configuration. Il ne faut pas, on doit mourir parce qu'il y a des circonstances évidemment d'infamie sur le lignage. Et si j'ai bien compris, mais c'était un peu rapide, la première décapitée finalement commet un adultère avec une forme d'inceste puisque c'est le fils adoptif. Ah, c'est le fils adoptif, ça n'est pas bien le sûr. Fils. Donc, oui, c'est ça, c'est une forme d'inceste, on pourrait dire. On est dans une catégorie extrêmement claire du droit pénal moderne, ce qu'on appelle l'inceste spirituel. Et l'inceste spirituel, notamment la relation sexuelle avec quelqu'un qui est entré dans le lignage par adoption, eh bien la réponse quel que soit d'ailleurs le rang de la personne, la réponse est très souvent du côté de la mort pénale. Mais vous allez être très surpris, en l'occurrence, Michel Poré, parce que en fait, tout ce que vous avancez, effectivement, c'est vrai pour l'époque moderne, mais ce que tentent de nous expliquer Elisabeth Crouzet-Pavant et Jean-Claude Mirviguer, c'est qu'on est à un moment de bascule, pourrait-on dire, et que tout cela n'est pas encore totalement figé dans cette Italie de la Renaissance. Jean-Claude Mirviguer, quand vous expliquez, par exemple, que cette décapitation n'est pas faite en public, ou en tout cas dans un tout petit public, parce que les trois femmes sont bien entendu décapitées à quelques années de distance les unes des autres dans cette Italie de la Renaissance, que ce soit à Mantoue ou à Ferrare ou à Milan, mais elles sont décapitées en privé, pourrait-on dire, au sein du château familial, du château princier. Et cela, ça fait peut-être une différence avec d'autres peines sur lesquelles a travaillé Michel Poré, qui sont les décapitations publiques, en l'occurrence Jean-Claude Mirviguer. Effectivement, il n'y a rien de semblable entre les trois décapitations de nos trois femmes et la manière dont d'autres coupables de crimes différents pouvait être décapité à l'époque. Alors, la décapitation au Moyen-Âge, en tout cas en Italie, a été bien étudiée. Effectivement, la décapitation se développe au cours de la seconde moitié du XIVe siècle et tout au long du XVe siècle. Ça a été très très bien démontré pour Florence. Mais naturellement, la décapitation à l'époque s'accompagnait normalement de tout un cérémonial, d'une mise en scène destinée à impressionner le public. Donc se dérouler en public, et je répète, au terme d'un très long cérémonial. Et ça vous a surpris en le disant. Rien de tel, effectivement. Dans nos trois cas, la décapitation est exécutée quasiment immédiatement après la sentence et dans des conditions de totale obscurité au sens propre du terme. C'est-à-dire ou le soir très tard ou le matin très tôt, en l'absence de tout témoin. Donc il n'y a rien d'infamant dans ces exécutions. Bien au contraire, les seigneurs sont très attentifs à ce que, comment dire, le rang de leur épouse soit respecté. Avant de redonner la parole à... Allez-y, Michel Pierre. Oui. Mais je suis parfaitement convaincu avec ce que je viens d'entendre. Par définition, dès l'origine de l'utilisation de la décapitation, ce n'est pas une peine infamante. C'est ça ce qui m'a beaucoup frappé en entendant le récit de la première décapitation. Je dirais que cette décapitation qui est faite dans l'obscurité de la cour, mais les corps sont quand même, d'après ce que j'ai entendu, les corps sont quand même exposés à la cour après la décapitation. Mais ça confirme évidemment que c'est une peine qui a un registre très particulier et qu'il faudrait discuter un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une anthropologie très compliquée de la séparation du corps et de la tête, et que cette séparation se fait effectivement n'est pas faite par la main du bourreau. Donc, je crois que ce que vient de dire l'invité, ça coïncide très très bien avec une culture de la décapitation qui est une culture de la non-infamie. Et il y a tout de même quelque chose de particulier, Jean-Claude Mirviguer, c'est que ces trois femmes sont décapitées dans des conditions, et là ça, on va rentrer dans la mécanique, pourrait-on dire, du procès ou de la mécanique de la condamnation, dans des conditions très différentes l'une de l'autre. Il y en a une pour laquelle c'est Agnès Visconti à la fin du 14e siècle, pour laquelle on va instruire un procès totalement manipulé par son propre mari, puisqu'il va reprendre la main sur ce procès. Il y en a une autre dont on ne sait pas dans quelles conditions elle a été condamnée à mort. Et la troisième, donc celle dont on a parlé, Parisina, qui est condamnée encore dans des conditions différentes. Et donc il y a là effectivement trois cas très particuliers où on peut les rassembler par la décapitation, par leur statut de princesse noble, mais pas véritablement par la mécanique qui conduira à leur exécution. Alors effectivement, les conditions de leur condamnation à la peine capitale sont très différentes. Mais cette différence s'explique par l'évolution que l'on peut apercevoir dans le fonctionnement du système politique de la seigneurie citadine entre la fin du XIVe et les premières décennies du XVe siècle. En somme, à Mantoue, le seigneur, qui s'appelle François Francesco Gonzague... Et là, on est en 1391. 1391, n'a d'autre légitimité politique formelle que celle qui lui est conférée par les anciennes institutions communales. Donc, il tient à respecter formellement, naturellement, tout est manipulé. Hein, il fait un faux procès. Un faux procès, exactement. Le podestat, qui théoriquement doit faire le procès, est mis à l'écart en laissant son pouvoir au seigneur, en disant c'est le seigneur qui va chercher les juges sont nommés, Et ensuite, effectivement, ça conduit à la mort, alors que normalement, la faute d'adultère ne conduit pas à la mort, Jean-Claude Mervigueur. Le Seigneur a tout prévu. Il a même prévu dans le décret qui constitue, qui fonde le tribunal qui va juger sa femme, que les corps seront immédiatement mis en bière dans un cercueil, que les cercueils donc doivent être préparés à l'avance, alors que le procès ne s'est pas terminé, naturellement. Donc c'est totalement manipulé. Mais c'est très important qu'il ait quand même senti la nécessité de respecter les formes d'un procès traditionnel. Même si, encore une fois, dans les procès traditionnels, jamais aucune femme adultère, à notre connaissance, n'était condamnée à mort. Alors, pour ce qui est du cas de Béatrice, deuxième cas, Béatrice Ditenda, qui ne s'appelle pas Ditenda, mariée à Filippo Maria Visconti, le duc de Milan, là, on n'a même pas de traces d'une reconnaissance d'un adultère quelconque, en l'occurrence. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. Et vous dites, c'est très étrange, c'est un deuxième cas un peu particulier, sur lequel on reviendra plus tard, parce qu'il y aura un opéra qui sera construit, donc qui sera conçu au 19e siècle autour de ce cas de Béatrice Ditenda, mais avec des gens qui disent, elle n'a même pas peut-être pratiqué l'adultère, elle était condamnée tout de même à mort par son mari. L'adultère n'est absolument pas prouvé. Effectivement, elle avait une relation qui était peut-être une relation d'amitié, voire même d'intimité avec un jeune homme. Encore une fois, rien n'a été prouvé. Mais on ne sait pas si son cas fait l'objet d'un procès. Les chroniqueurs, mais attention, les chroniqueurs qui n'ont pas assisté à l'événement parlent d'une sentence rendue par un juge. Sentence qui peut être rendue sans procès. Nous sommes quasiment une trentaine d'années après Agnès. Et déjà, le pouvoir du Seigneur est suffisamment fort pour qu'il puisse se passer d'un procès. Et puis, troisième cas, celui de Parisina, sur lequel on est déjà intervenu. Vous êtes déjà intervenu. Alors là, en l'occurrence, comment se fait-il que cette Parisina, qui s'est mariée à 14 ans avec un homme de 35 ans, qui a fréquenté donc le fils aîné de cet homme et qui avait un an de moins qu'elle, d'une certaine façon, est accusée d'infidélité par son mari, a été exécutée, ainsi que le Hugo en question, sans jugement. Là, il n'y a pas de jugement et on est donc dans la principauté de Ferrare. Voilà. À cette époque, à Ferrare, le pouvoir du Seigneur est déjà absolu. Nicolas III, le mari de Parisina, est celui qui a vraiment, je ne dirais pas fondé, ce n'est pas le cas, mais consolidé d'une manière définitive le pouvoir de cette dynastie qui va quand même gouverner Ferrare jusqu'à la fin du XVIe siècle et une autre ville, Modène, jusqu'à l'arrivée de Napoléon. Donc il s'agit de pouvoirs importants et de très longue durée. Hugo, l'amant de Parisina, était l'un des nombreux fils bâtards de Nicolas III. Ce n'était pas un fils légitime et il n'avait pas encore été choisi comme successeur. Il ne sera jamais puisqu'il sera exécuté en même temps que Parisina. Les deux supplices ont lieu dans deux tours du château fort, forteresse, qui est contigu du palais seigneurial. Et voilà qui impressionne beaucoup Lord Byron, un extrait d'un texte qui s'intitule Parisina de Lord Byron, 1829, lu donc dans sa traduction française d'Eugène Thomas par Daniel Königsberg. Auteur d'un jugement qu'il repoussait sans cesse, Almon se surprenait vaincu par la pitié. Juge, de son arrêt, il était effrayé. Père, il sentait souvent renaître sa tendresse. Il ne pouvait remplir ce vide immense, affreux, de deux cœurs criminels bien moins que malheureux. De les rejoindre au ciel, il perdait l'espérance. Le ciel est habité par la seule innocence. En vain de sa justice, il se crut assuré. Il finit de remords lentement déchiré. Et ce prince inflexible à son heure suprême fut absous par la loi, mais non pas par lui-même. Lorsqu'une main adroite a, par des soins prudents, doucement élagué les branches inutiles, l'arbre s'enorgueillit de ses rameaux fertiles et relève sa tête, ornement du printemps. Même si dans sa fureur, apportant le ravage, la foudre vient frapper, léger, près de fleurir, le tronc meurt desséché, privé de son feuillage. Quand les fils ne sont plus, le père doit mourir. Oh. un texte de Lord Byron, La Parisina, datant de 1816 dans une traduction plus tardive de 1829 en français, avec un extrait de l'opéra de Donizetti de 1833, dirigé ici par l'orchestre de la Suisse italienne, dirigé par Emmanuel Plasson et la soprano Alexandrina Pendalchanska. Alors nous sommes avec vous, Michel Poré, pour commenter ce cas de femme décapitée. Vous avez les trois cas, vous les avez écoutés de la bouche de l'auteur Jean-Claude Mervigueur, qui a écrit avec Elisabeth Crouzet-Pavant « Décapitée » aux éditions Albin Michel. Voilà donc trois cas différents avec des jugements très différents. Un jugement, un autre dont on ne sait rien et un troisième où il n'y a pas de jugement et où le mari se venge en décapitant Parisina et son amant qui est son propre fils à ce mari. Oui, c'est compliqué. Il y a les circonstances familiales, les circonstances de la cour, les circonstances claniques sont très, ont l'air d'être très fortes sur ce dossier. Mais ce qui ressort quand même, c'est le mode opératoire qu'on a choisi. Et ce mode opératoire, c'est peut-être ce qui réunit, et je pense que c'est ce qui a l'air de faire l'originalité et la beauté du livre. Ça rejoint trois faits divers extrêmement différents, qui sont liés évidemment à des cultures familiales, des cultures de clans et de descendance très compliquées. Moi, ce qui me frappe, c'est la décollation, c'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question. Qu'auraient-ils pu faire d'autre si ceux qui ont décidé, les maris qui sont en même temps seigneurs, de tuer avec un rituel qui respecte plus ou moins des formes de justice, qu'auraient-ils pu utiliser? À peu près rien. C'est-à-dire avec cette idée que s'ils avaient utilisé, par exemple, même dans le secret d'une cour, la pendaison, qui est quelque chose d'extrêmement infamant et qui se construit comme un système d'infamie, on sait bien que dans la culture juridique de l'Ancien Régime, dans la culture politique, l'infamie ne se limite pas à celui qui l'a subi au moment de la peine. L'infamie va retomber après, je dirais, sur les membres de la famille. Donc c'est, je crois, véritablement... Vous avez lâché tout à l'heure le mot vengeance, donc on a l'impression aussi qu'il y a un peu de vengeance dans ces trois cas, puisque... Par rebond d'ailleurs, à certains moments. Il me semble, oui. Mais si on compare évidemment avec d'autres moments ou d'autres histoires d'adultère dans des systèmes politiques ou juridiques un peu différents, mais de nouveau, la comparaison devient très très difficile. En écoutant le récit, je pensais aux femmes adultères à Genève au XVIe siècle, beaucoup de ces femmes adultères, mais évidemment il n'y a pas de culture aristocratique, il n'y a pas de culture de cour, donc la comparaison devient très difficile. Mais quand même, dans les gestes, beaucoup de ces femmes adultères, on décide pour adoucir, maintenant je ne me prononce pas sur le mot adoucir, par exemple de les noyer vivantes dans le lac, pour ne pas utiliser quelque chose qui est soit marqué par l'infamie de la corde, ou quelque chose ou un supplice qui serait beaucoup trop, qui serait plus terrifiant que la noyade. Oui, ce qu'on disait hier à propos de d'autres femmes adultères avec Claude Gauvard, qui était elle aussi parfois jetée dans un sac dans la Seine en l'occurrence, et nuitamment pour éviter justement l'infamie à sa propre famille, pour qu'on ne voit pas justement cette condamnation publique. Jean-Claude Mervigueur, la corde existe tout de même dans un des cas de ces adultères, la corde pour un des amants, parce que justement, il n'appartient pas à la même classe que celle avec laquelle il a donc pratiqué l'adultère, Jean-Claude Mervigueur. C'est très net. C'est l'amant de Agnès qui est le... Antonio Di Scandiano. C'est ça. Sur lequel nous n'avons pas beaucoup d'informations, quelques-unes, mais pas beaucoup, qui fait partie, si l'on peut dire, de la moyenne bourgeoisie de la ville de Mantoue, qui est comme une ville assez modeste. Il est chambrier, c'est ça ? Chambrier du mari de Agnès, et qui donc faisait la navette entre l'appartement du seigneur et l'appartement de la femme du seigneur, et qui est tombé amoureux et qui a su, disons, attirer l'attention de Agnès. Donc là, c'est très net, la corde pour un chambrier. Ce qui dit, attention, le point de départ de notre enquête, c'est quand même le fait que l'adultère n'est jamais puni par peine de mort. Et généralement, la punition de l'adultère s'exprime par des condamnations assez légères. Donc, quand j'entends ce qui vient d'être dit sur le sort des femmes adultères à Genève au XVIe siècle, je me dis que, où l'Italie de cette époque, nous sommes à la première Renaissance, était très avancée par rapport au reste de l'Occident, ou que l'histoire avance vraiment à reculons. Oui, il y a quelque chose de cela tout de même. Effectivement, ces peines qui vont progressivement tomber sur la sodomie, dit d'ailleurs Jean-Claude Mervigueur et Elisabeth Crouzet-Pavant, à ce moment-là, dans la première moitié du XVe siècle, qui auparavant n'était pas condamné aussi durement, le vice abominable, et puis... ensuite effectivement des peines d'adultère. On voit bien qu'il y a encore un moment où théoriquement, même si ces trois femmes ont été décapitées, eh bien cet adultère n'est pas condamné aussi durement qu'il le sera à l'époque qui est la vôtre, en l'occurrence Michel Porret, au XVIe, XVIIe siècle. Attention, il faut pas trop généraliser non plus. Il y a des cas évidemment de femmes adultères qui sont noyées. Il y a des cas d'hommes aussi ou de femmes qui ont ce qu'on appelle des relations contre nature, c'est-à-dire les sources sont très compliquées à décrypter, qui ont certainement des relations, disons, homosexuelles. Ce n'est pas la grande généralité. Il y a des cas. Donc, je crois que les trois dossiers que nous évoquons ce matin, c'est tellement atypique, c'est presque du niveau d'un fait divers qui est intéressant parce qu'il a une portée générale, mais il est difficile évidemment de généraliser, de comparer des évolutions du droit trois cas de ce type-là et puis quelques femmes adultères ou qui ont eu des relations sexuelles contre nature, qui ont été noyées au lieu d'être brûlées à Genève au début, au moment de la réforme. Par contre, pour faire un peu de comparatisme, c'est toujours intéressant, je pense au grand livre de Peter Spierenburg, The Spectacle of Suffering, et dans Spectacle of Suffering, donc qui est sur le ressort de la justice d'Amsterdam au XVIe, XVIIe siècle, l'exécution genrée, pour le dire très rapidement, utilise pas mal aussi la décapitation pour des cas, de crimes typiquement féminins, comme l'infanticide, comme des expositions d'enfants qui ont mal tourné, comme aussi certains crimes sexuels qui touchent la morale. Et il y a aussi une mise à distance. La culture juridique des Pays-Bas n'est pas une culture nobiliaire, c'est pas le préjugé d'infamie qui fonctionne énormément en France, par exemple, mais on utilise la décapitation parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est dans l'ordre déjà d'une mise à mort. Maintenant, faisons attention avec les mots, plus douces ou plus moins infamantes et moins horribles que le feu ou évidemment que la pendaison. Donc quand on a ces cas très limites, c'est intéressant effectivement de regarder au même moment quelles sont les pratiques pénales qui peuvent exister, en Europe où on a un droit pénal qui petit à petit, notamment dans la pratique de la peine, coïncide de plus en plus vers une peine unique qui sera la grande peine avant la Révolution, c'est-à-dire la corde. Mmh. Ce qui est très passionnant dans votre livre, Jean-Claude Mervigueur, c'est que vous tirez tous les fils avec Elisabeth Crouzet-Pavant de ces trois faits divers, comme le disait à l'instant même Michel Porret, de ces trois femmes nobles décapitées dans cette Italie de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. Vous utilisez l'histoire du genre, vous utilisez la question de l'histoire culturelle, vous insister sur la question de l'histoire matérielle pour essayer de comprendre s'il n'y a pas derrière la décision de ces trois maris ce que vous appelez des coups de souveraineté, c'est-à-dire une volonté de montrer le pouvoir croissant de ces seigneurs urbains de l'Italie du Nord, dans cette fin de XIVe et début du XVe siècle, et que ça serait là la clé ou une des clés justement de l'explication de cette décapitation pour ces trois femmes nobles, alors que le crime dont elles étaient accusées, l'adultère, ne conduisait pas normalement ces femmes à être décapitées. Vous avez parfaitement résumé, disons, le sens de notre enquête. Nous sommes convaincus que ce n'est pas du côté de la répression des déviances sexuelles de l'époque qu'il faut chercher la clé de ces trois condamnations. C'est un sujet tout à fait intéressant et nous avons été amenés à toucher à ce sujet. Mais, encore une fois, davantage par souci de comparatisme que pour trouver l'explication de ces trois condamnations qui, selon nous, doit être cherchée dans l'ensemble des rôles nouveaux que les femmes du Seigneur s'attribuent ou que même leur mari leur attribue à cette époque. Rôle qui touche naturellement à la direction de la cour, rôle qui touche à le rôle politique dans le gouvernement de la seigneurie, rôle qui touche... De régente parfois d'ailleurs. Bien naturellement. Rôle qui touche à leur activité extrêmement efficace dans le domaine de la commande artistique et culturelle. Et nous pensons que c'est dans la construction tout à fait nouvelle d'un couple seigneurial, alors que précédemment, dans les systèmes de gouvernement italien, la femme du seigneur ou du dirigeant n'avait strictement aucun rôle et même aucune visibilité, c'est dans ce rôle nouveau qu'elle s'attribue en bonne partie que l'affront qui est fait par l'adultère est considérée comme insupportable. Et vous insistez par exemple sur ces entrées qui ne sont pas des entrées royales, mais des entrées princières, pourrait-on dire, de ces femmes dans les villes comme Mantoue par exemple, où elles arrivent, c'est le cas d'Agnès Visconti, eh bien elles sont accueillies par une relation quasi fusionnelle, expliquez-vous, entre le peuple de la cité et la figure de cette nouvelle souveraine dont elle partage le pouvoir, elle partage le pouvoir de leur propre mari, dites-vous, Jean-Claude Mervigueur. Oui, parce que les maris ont besoin de légitimer, surtout de consolider leur pouvoir. Et cette consolidation passe par la dynastisation, autrement dit la reconnaissance que le pouvoir appartient à une famille et même à un couple dans lequel la femme. Il y a d'ailleurs un très beau chapitre sur la naissance de ce couple justement de pouvoir, pas ce couple en tant que couple chrétien par exemple, mais de couple de pouvoir sur lequel vous insistez. Un petit extrait de Boccace, on aime toujours écouter un extrait du Décaméron de Boccace, lu par Daniel Königsberg. Messire, il est exact que Rinaldo est mon mari et que la nuit dernière, il m'a surprise dans les bras de Lazzarino. Étant donné le loyal et sincère amour que je porte à ce jeune homme, je m'y suis trouvé à maintes reprises. C'est ce que je ne nierai jamais. Seulement, et je suis certaine que vous le savez, les lois doivent être communes à tous et traduire le sentiment de ceux qui risquent de tomber sous leur coup. C'est précisément en quoi est défectueuse la loi dont vous parlez. Elle ne lie que les femmes, les malheureuses. Or, les femmes sont bien plus aptes que les hommes à satisfaire de nombreuses demandes. Ce n'est pas tout. Quand on a décrété cette loi, aucune femme ne lui a donné son accord, aucune femme, qui plus est, n'avait été convoquée. Tout motif raisonnable pour prétendre que la loi est mauvaise. Si vous voulez l'appliquer au préjudice de ma personne et de votre âme, libre à vous. Mais avant que soit rendu l'arrêt de justice, j'implore de vous une faveur qui est mince. Demandez à mon mari si toujours, et autant de fois qu'il a voulu, et sans essuyer le moindre refus de ma part, il a trouvé mon corps pleinement docile à son désir. Est-ce oui ou non? Sans attendre que le podestat intervînt, Rinaldo fut prompt à répondre que sa femme, quand il l'avait sollicitée, avait effectivement souscrit à toutes ses obligations conjugales. Alors, enchaîna promptement la dame. « Alors, messire Podesta, du moment que son besoin et son plaisir sont satisfaits, que devrais-je faire? Que dois-je faire du superflu? Le jeter au chien? Plutôt que de le laisser perdre ou gâter, n'est-il pas préférable d'en combler un homme charmant, qui m'aime plus que sa propre vie ?» Presque tous les gens de Prato étaient accourus à l'interrogatoire d'une dame si noble et si connue. En entendant cette plaisante requête, ils éclatèrent d'un rire qui se prolongea, puis soudain ce ne fut, autant dire, qu'une voix. Tout le monde s'écria que la dame avait raison et parlait d'or. Avant de quitter les lieux, et d'ailleurs avec la complaisance du podestat, on transforma ce que la loi avait de cruel. On ne laissa subsister le châtiment qu'à l'encontre des dames rendues adultères par l'appât du gain. Rinaldo quitta le tribunal, tout confus de sa folle entreprise. Quant à la dame, aussi libre et joyeuse qu'une échappée des flammes, elle fit à sa maison un retour triomphal. Voilà donc le texte de Décaméron de Boccace qui vous fait sourire, en l'occurrence Jean-Claude Mervigueur, parce que il est contemporain ou presque de cette histoire que vous racontez dans Décapité, et il nous dit effectivement cette facétie, pourrait-on dire, d'une femme qui dit, bien, écoutez, mon corps est à moi et d'une certaine façon, j'en profite comme je veux du moment que je satisfais mon propre mari. C'est un texte absolument extraordinaire qui ne nous étonne pas de la part de Boccace, qui nous habitue à des portraits de femmes qui sont généralement beaucoup plus positifs que les portraits d'hommes. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que, semble-t-il, dans les statuts de la commune de Prato, on prévoyait, dans certains cas, une condamnation à mort pour la femme adultère. Inutile de vous dire qu'il n'y a aucune autre trace de telle condamnation dans les statuts communaux que nous avons épluchés pour cette époque, qui est quand même d'une cinquantaine d'années antérieure à nos faits divers. Oui, Michel Poré. Je pensais à quelque chose, puisqu'on on rend hommage à l'Italie d'une certaine manière dans cette émission. Je pensais à la... une des forces de ce que propose Beccaria en 1764, c'est ce qu'il appelle le rapport entre l'atrocité des peines et puis l'empire paternel et marital des peines. C'est-à-dire qu'il faut absolument sortir d'un système d'une justice familiale. Et qu'une des grandes exigences de la réforme au milieu du XVIIIe siècle. Vous pensez donc que Beccaria, pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, vous êtes directeur de la revue qui porte son nom, en l'occurrence, et spécialiste de cet inventeur, pourrait-on dire, d'une justice moderne. Beccaria est justement celui qui veut rompre avec une justice qu'on appelle chez nous, mais dans d'autres pays ça n'est pas le cas, d'ancien régime. Une justice, mais qui est marquée notamment par son marquage familial aussi. Mmh. Et notamment dans une Italie qui s'est unifiée très lentement, etc. Donc je crois qu'il y a une résonance très intéressante à cette affaire dans l'idée qu'à certains moments, eh bien, il faut qu'il y ait une justice commune à tout le monde. Et qu'il n'y ait plus une justice du Seigneur dans des configurations qui sont celles de ces trois dossiers qui ont l'air fascinants, et des justices. Donc il faut une espèce d'universalité autour d'une peine qui doit être démarquée totalement de son aspect moral ou de son marquage moral. Et c'est pas par hasard non plus que dans le traité des délits et des peines de 1764, il y a des attaques extrêmement fortes contre la criminalisation de l'adultère, de l'homosexualité, de l'infanticide, de tout ce qui est lié à des comportements moraux qui ont été plus ou moins pénalisés de manière plus ou moins capitale selon les usages et les cours. Et en particulier dans ces siècles que vous connaissez si bien, de l'époque dite moderne. Jean-Claude Mervigueur, quand vous avez réfléchi avec Elisabeth Crouzet-Pavant à ces trois cas, vous vous êtes dit, en fait, il ne faut pas considérer ces femmes comme les objets passifs des tractations dont elles font l'objet. Il y a des tractations, bien évidemment. Elles sont mariées pour des raisons d'argent, pour des raisons territoriales, pour des raisons de famille. Mais vous dites qu'en fait, elles ont aussi ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'histoire contemporaine l'agency, une capacité d'agency, c'est-à-dire une capacité d'agir sous la tutelle, effectivement, de ceux sous lesquels elles sont placées, leur père d'un côté et leur mari ensuite. Elles ont une capacité d'agir et c'est ce qui vous a intéressé. Et c'est peut-être d'ailleurs cette capacité d'agir, dites-vous, qui les a condamnées à mort au bout du compte. Oui, il nous semble que ces trois femmes se caractérisaient quand même par une très forte personnalité, très différente pour chacune d'entre elles, mais très nette, et que l'on peut particulièrement bien étudier dans le cas de Parisina pour l'ensemble de sa vie, et dans le cas de Agnès, grâce aux actes du procès, au cours de sa relation avec son amant. Alors, ces femmes, effectivement, ont su imposer leur personnalité en allant au-delà même des rôles que leur mari était prêt à leur attribuer. Et, alors là, on est dans le domaine de l'explication psychologique qui vaut ce qu'elle vaut, surtout pour cette époque-là, mais probablement que l'adultère, le fait qu'elles aient décidé à un certain moment d'avoir une liaison, une relation avec un homme qui leur plaisait, fait partie justement de cette tentative d'agency. Oui, et donc effectivement, cela permet aussi à l'historien des peines que vous êtes, Michel Poré, de réfléchir à ces longues évolutions sur une durée très longue, puisque là nous sommes au début du XVe siècle et que vous êtes plutôt spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles vous-même, de ces peines telles qu'elles ont été transmises de génération en génération par les sociétés qui les ont conçues, mais aussi transformées au fur et à mesure du temps, avec peut-être des durcissements à certaines périodes et d'autres moments un peu plus, ouverts dans la façon de les appliquer. Oui, enfin, la source finalement fondamentale pour essayer de comprendre l'évolution pénale de la modernité, qui est une évolution marqué globalement par un adoucissement, enfin on peut pas adoucir une peine, mais par une modération générale, reste évidemment l'archive judiciaire, beaucoup plus que les textes doctrinaux, les sources de la loi ou les statuts. Et oui, la pratique. C'est la pratique, c'est dans la pratique judiciaire, mais de nouveau dans des justices d'État, parce que là on a un modèle un peu à l'aube de la justice d'État, que l'on peut voir pourquoi à partir, lorsqu'on arrête de poursuivre les sorcières un peu partout en Europe dans les années 1650, eh bien globalement la pénalité se modère un peu partout. Donc je crois que la leçon pour comprendre l'évolution des pénalités qui vont nous mener de l'État justicier d'Ancien Régime à l'État de droit après la Révolution, ou dès la Révolution, eh bien l'apport des archives judiciaires, et ce livre a l'air d'être magnifiquement marqué aussi par une réflexion d'archives, reste indispensable, en faisant attention aussi, évidemment, de ne pas être déformé par l'effet d'archive. Parce que quelquefois, notamment lorsqu'on travaille sur des cas limites qui sont très intéressants parce qu'ils montrent à la fois l'universalité et puis où l'universalité se brise, eh bien quelquefois on fait ressortir des faits saillants et qui sont très particuliers. Ce sont des cas particuliers. Qui sont des cas particuliers. Quand j'ai dit faits divers tout à l'heure, c'était pas du tout méprisant. Non, mais on a bien compris. C'était pas... vraiment l'anthropologie du fait divers qui permet de réfléchir est-ce que je comprends. À l'exceptionnalité, à la norme. À l'exceptionnalité, et si une exceptionnalité, c'est le problème évidemment de mettre à mort des femmes pour un crime d'adultère alors que le droit commun, théoriquement, ne le permet pas. Donc et voilà l'intérêt de ce livre, je crois. Merci beaucoup Michel Poret d'être venu avec nous. On va essayer de garder la tête sur les épaules aujourd'hui. Merci, donc depuis Genève. Et puis, conseillons la lecture de votre livre avec Elisabeth Crozet-Pavant, Jean-Claude Mervigueur, Décapité, trois femmes dans l'Italie de la Renaissance, en particulier pour ce travail sur les archives sur lequel il faut insister, la façon dont vous avez décortiqué ce procès tel qu'il a été mené d'Agnès Visconti à partir de cette archive de procès, pourrait-on dire, agencée ou truqué, eh bien tout cela c'est tout à fait passionnant. Merci encore Jean-Claude Mervigueur d'être venu depuis Rome où vous enseignez pour pouvoir participer à cette émission. Merci à vous pour votre invitation. Et merci à Daniel Königsberg qui a lu les textes ici pour nous aujourd'hui. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Jean-Guilain Meige nous a accompagnés à la technique et nous avions la chance d'avoir à la réalisation Anne Fleury avec nous. Et puis, précisons que demain, nous terminerons une semaine courte de la Fabrique de l'Histoire puisque jeudi, il n'y aura pas d'émission en raison de la messe de la Toussaint qui sera diffusée sur notre antenne. Eh bien, jeudi, demain, nous continuerons donc cette série sur la justice en nous intéressant au très beau livre, donc « Retour à Lemberg » conçu par Philippe Sands et dans lequel il travaille sur le cas d'une ville, Lemberg, qui a vu naître à la fois celui qui a conçu au XXe siècle le crime de génocide, mais aussi celui qui a vu naître et conçu le crime de crime contre l'humanité.